si t'as des rats à côté qui débite, on va pas tarder à l'attaquer. Il est bon qu'à sucer des bites, lui, on va pas tarder à l'attacher. J'parle en cash ou en fer, j'fuck l'école depuis 16 ans, l'argent sale je sais le faire. J'traîne avec Curtis, entre fous on fait la paire. J'suis pas comme les autres, j'volais quand ils faisaient la fête. Négro dans la caisse, j'parle en cash ou en fer, j'fuck l'école depuis 16 ans, l'argent sale je sais le faire. J'traîne avec Curtis, entre fous on fait la paire. J'suis pas comme les autres, j'volais quand ils faisaient la fête. J'suis dans un appart avec Curtis, j'ai recompté tous les affaires qu'on leur a pris. Et comme je sais qu'il va pleuvoir des balles, mon meilleur ami c'est la carabine. Dans tous les cas j'ai cassé ma puce, c'est impossible que les keufs me chopent. Ils croyaient malin, j'ai brûlé ma caisse, y'avait un tracer dans la chop. Ils voudront faire la guerre pour reprendre le hasé. On n'a pas peur, on est des terres. S'ils veulent tester, vas-y. Y'a quelques mois on traînait à 15, mais là c'est fini, on traîne à 5. Le gros m'a dit achète un pompe, ils reculeront même à 25. Bref, avec ce qu'on a fait, la cité elle est rodave. Y'a des caméras tous les 100 mètres, et je te parle pas de celle de Rodin. Mon agi n'en parle pas. Mon agi n'en parle pas. Les petits m'ont dit là il se passe quoi. Y'avait des mecs en RS3, ils cherchent l'équipe à la Kika. J'crois bien que ça va les fumer. J'crois bien que ça va les fumer. Négro dans la caisse, j'parle en cash ou en fer. J'fuck l'école depuis 16 ans, l'argent sale je sais le faire. J'traîne avec Curtis, entre fous on fait la paire. J'suis pas comme les autres, j'volais quand ils faisaient la fête. Négro dans la caisse, j'parle en cash ou en fer. J'fuck l'école depuis 16 ans, l'argent sale je sais le faire. J'traîne avec Curtis, entre fous on fait la paire. J'suis pas comme les autres, j'volais quand ils faisaient la fête. Ma vie ça va vite, avec une déclaration j'éteins ta carrière. Moi j'étais destiné à couper, fils de pute, tu n'es pas tes aériennes. J'ai pas attendu d'être validé par tous tes menteurs. Crois avec un laïa les motards. Moi j'ose la BAC, je la connais pas. Tu as même à minuit 10 quand tu pars sans les phares. J'ai mis les affaires dans la top, parce que ma daronne elle est pire que la dep. Quand je mettais mon argent dans les sables, toutes les 20 semaines elle trouvait ma cachette. J'entends des trucs chelous à l'oreillette. C'est vrai qu'on a grandi ensemble, mais j'paye une flèche, tu payes pas tes dettes. Va dire à ton équipe que j'ai une équipe prête à faire un boulot sérieux pour du liquide. Celui qui fout comme dans la caisse, faut qu'il déménage comme ça on est quitte. 28 degrés là on médite, parce qu'on aime le boulot. La fin va être toujours la même, comme que j'ai pas ta main boule. Négro dans la caisse, j'parle en cash ou en fer. J'fais les codes depuis 16 ans, l'argent sale je sais le faire. J'traîne avec Curtis, entre fous on fait la paire. J'suis pas comme les autres, j'voulais quand ils faisaient la fête. Négro dans la caisse, j'parle en cash ou en fer. J'fuck l'école depuis 16 ans, l'argent sale je sais le faire. J'traîne avec Curtis, entre fous on fait la paire. J'suis pas comme les autres, j'voulais quand ils faisaient la fête. Négro dans la caisse, j'parle en cash ou en fer. J'fuck l'école depuis 16 ans, l'argent sale je sais le faire. J'traîne avec Curtis, entre fous on fait la paire. J'suis pas comme les autres, j'voulais quand ils faisaient la fête. C'est bon, c'est celle-là la presse. Celle-là, ouais, c'est bon, c'est celle-là la presse.